D'abord il y a la petite graine à papa qui va dans maman gentiment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et 9 mois après, tu es prêt. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé d'amour. Tu bouges beaucoup, tu donnes des petits coups, ça n'est pas méchant pour maman. Mais tu tournes en rond, tu trouves le temps long, tu frappes à la porte, faut que tu sortes. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé d'amour. Tout est préparé pour ton arrivée, le monde t'attend en chantant. Et jour après jour, tu deviens plus lourd, maman s'arrondit, tu grandis. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé. Deux petits petons tellement mignons, deux menus menottes qui gigotent. Et te voilà là, et on n'y croit pas, t'es notre plus beau des cadeaux. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je notre bébé d'amour. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie. Nous aussi on pleure de bonheur. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie. Nous aussi on pleure de bonheur. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai. Et on te dit je t'aime, notre bébé.